coque, j'tends la caisse, dans le club. Okay. Vue de gauche, ça SS, ça marronne. Okay. J'veux leur mettre en finesse, en lunettes. Okay. C'est Marseille, c'est le 13, on te baisse. Ok. Installé, ça répute en Rina Toto. Tout ça pour que tu meurs trop tôt. Hier soir j'ai vu le poteau, ça parlait de toi, j'ai vu ta photo. J'ai une brune, cheveux courts sur des échasses, et j'accélère comme si j'étais pris en chasse. J'achète une autre montre, encore une autre montre. Mais putain que le temps passe, ça passe aussi vite que le GSX termine. Écarte-moi des vermines, elle a refait son vernis. Mais moi j'ai la tête dans le bénéf. Et j'ai la tête dans le bénéf, mais j'ai bon cœur. Sous le logo Fendi, on s'en bat les couilles des ondis. On sait bien que tu es un menteur. La tête dans le bénéf, mais j'ai bon cœur. Sous le logo Fendi, on s'en bat les couilles des ondis. On sait bien que tu es un menteur. Ouais, y'a trop de salades. Frérot, combien sont condamnés? Prends vite 20 piges. Ça cherche le bénéf toute l'année. Paris, Marseille, ouais bébé. Le métal provient de Lituanie. On mange des pastas, Napoli. Parle pas sur Insta ou je te bannis. On n'a pas besoin de nouveaux amis. Le métal provient de Lituanie. On mange des pastas, Napoli. Parle pas sur Insta ou je te bannis. Ils veulent m'enterrer. C'est mort. On meurt pas comme ça, nous demande à mon père. Jamais. Des étonnements, mais tout est mort. Viens fort. Je connais bien Marseille, y'a pas ce qui va t'aider. C'est mort. Ça t'éclate sur les terrasses du port en coupé sport. Mais pas des queues de diamants sur l'âme, je préfère les mettre dans une baraque. Pas trop de mythos, j'ai pas croisé les gamins en 16 ans. J'avais trop faim, je choisis la braque. Bien les trackers d'adresse, gangresse empêche de neutraliser. Moi j'ai tellement entraîné dans le trait, je fais poser sur bande organisée. Kassim, la crime, quartier nord, j'ai la vue sur la mer. C'est partout la même, on prend le même accent français pour te niquer ta mère. Convoi, une autre voiture, si elles sont full black, ça n'est jamais bon. Quand les téléphones depuis la cellule, une opération militaire, ça n'est jamais long. Bam. Ouais, y'a trop de salades. Frérot, combien sont condamnés? Prends vite 20 piges. Ça cherche le bénéf toute l'année. Paris, Marseille, ouais bébé. T'es bonne, mais j'ai trouvé la vraie. Si tu parles au port, je t'ai dit c'est non, pas toute l'année. Le métal provient de Lituanie. On mange des pastas,